إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دوك شيخ فخران الله عز وجل on continue le livre de نواقض الإسلام de الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى avec l'explication de الشيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى et on était arrivé dans l'introduction après avoir défini c'était quoi النواقض et que ça venait de Madat Noun, Qaf et Dad, et qu'est-ce que ça voulait dire dans le sens linguistique du terme, qu'est-ce que ça voulait dire dans le jargon des ulama, et l'importance d'étudier ce sujet-là, et pourquoi Cheikh Mohammed Abdelwahab, rahimahullah ta'ala, il n'en avait rapporté que 10, alors qu'il y en a plus que 10, etc. On était rentré dans l'introduction qui s'attache à étudier 15 règles au sujet du tekfir. Et on était arrivé, si je ne me trompe pas, après la première règle, on était rentré dans la deuxième règle, et je pense qu'on ne l'avait pas terminé. Hein? Et on est arrivé à la parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah pour ceux qui ont le livre. Et avant que je continue l'explication, donc comme j'avais promis, j'ai bien commandé les livres. Ils sont bien partis le lendemain du cours, c'est-à-dire dimanche passé, par DHL, mais ils sont toujours pas là. C'est souvent comme ça dans ce genre de pays, ça tarde même si c'est via DHL. Il y a 50 copies, comme j'avais déjà dit, d'accord, qui vont arriver, inshallah. Donc ce sera essentiellement pour les frères et sœurs de Birmingham, 50 copies. Et puis s'il en reste, comme j'ai déjà dit sur Internet, elles pourront être envoyées aux gens qui nous écoutent sur Internet en France et dans d'autres pays, inshallah. Donc pour les frères qui ont la même édition que moi, qui est Dar Adwa As-Salaf, c'est page 26. Et on est arrivé à la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il a dit, « قال ابن تيمية رحمه الله » من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أجابه الله عليه من الإيمان فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلى لنقص ما يجب عليه من الإيمان ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. Alors avant de traduire ça, qui peut me rapporter, yani, pourquoi Ibn Taymiyyah l'a dit ça ici, et dans quel cadre il a rapporté ça ici? Parce qu'on étudiait quoi dans le dars précédent? On avait dit, je vous aide un peu, on avait dit que il y avait des règles dans le tekfir. On a dit que Cheikh Mazmoul, il en citait combien? 15. La première, c'était quoi? Le tekfir, c'est quoi? C'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et d'un? De son messager, alayhi salatu wassalam. Un haqqu lillahi ta'ala wa li rasuli sallallahu alayhi wa sallam. C'était bien ça. Deuxième règle, c'était quoi? Que le kufr est de deux types ou de deux genres, et on avait dit c'était quoi? Il y avait un kufr akbar, c'est-à-dire une grande mécréance, une mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, et une mécréance mineure, ou petite mécréance comme on l'appelle, et qui ne fait pas sortir de l'islam. Et dans ce cadre-là, dans cette deuxième règle-là, il a cité toute une série de textes. Et il y avait différentes catégories de textes. C'était lesquels et pourquoi il a cité ça? Si vous vous rappelez pas, vous pouvez vous aider du livre ou des notes. Mais c'est important de bien situer le cadre parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, il se base sur ce qu'on a déjà dit dans le cours précédent. Non. Alors ici, il avait cité des textes. La première catégorie, c'était « Min an-nusus allati wusifa fiha fa'ilu ba'd al-a'mal bil-kufri aw ash-shirki aw anna fihi jahiliya ». C'est-à-dire qu'il y a certains textes qui ont été rapportés qui décrivent celui qui les commet comme... Hein, avec une description de quoi? de mes créances, une description d'association, une description de quoi aussi, de jahiliya. On avait cité beaucoup de hadiths, on les avait expliqués. Il y avait le hadith notamment de Jair ibn Abdillah, Istansitinnas, fait taire les gens dans Hajjat al-Wada', où le professeur Azim a demandé ça à Jarir, et il a dit, La tarji'u kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. On avait dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot ici? Kuffar. On avait expliqué ça. Puis il y avait le hadith d'Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Puis il y avait le hadith, un autre d'Abu Huraira aussi, qui avait deux choses parmi les gens, هما بهم كفرون, encore une fois le mot كفر ici. Le hadith d'avant, كفارن. Après ici, من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. Et après on avait عن ابن عمر رضي الله عنهما, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, من حلف بغير الله فقد أشرك. Ici on a le mot quoi? Shirk. Et puis on avait dit à Anil Ma'rour ibn Suwaid, on avait rapporté le hadith quand il était passé près d'Abu Dar, radiallahu anhu, arda, al-Rabada, et qu'est-ce qu'il y avait dans le hadith? Innaka mru'un fi kamada jahiliya. Donc le mot ici, il est utilisé jahiliya. Et puis on avait rapporté le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari, qui dit quoi? Arba'un fi ummati min amri al-jahiliya. Encore une fois, le mot jahiliya. Et puis on avait rapporté des textes où celui qui commet certaines actions est décrit comme n'étant pas un croyant. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Dans certaines riwayas on avait dit quoi, c'est de bawa'iqa. C'est-à-dire que le prophète a juré par Allah trois fois que il ne croit pas, ils ont dit qui? Au messager d'Allah, il a dit quoi? Il a dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses préjudices, de ses torts, d'accord? On avait dit qu'il fallait comprendre quoi ici? Est-ce que ça veut dire qu'il est sorti de l'islam? Non. Donc c'est pour ça que Cheikh Bazmoul est en train de rapporter ces textes-là ici pour établir des règles. Après, on avait rapporté notamment le hadith, le fameux hadith, et c'est notre muhadith de l'autre jour qui nous avait rapporté, Zakaria, qui avait dit quoi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Est-ce que ça veut dire, maintenant tu ne veux pas pour ton frère, est-ce que tu ne veux pas pour ta mère, ça veut dire, khalas, t'es un kafir? Non, on avait expliqué ça, d'accord? Après, on a cité des textes où celui qui commet certaines actions est décrit comme ayant une caractéristique, parmi les caractéristiques de quoi? De an-nifaq, l'hypocrisie. On avait expliqué ça. On avait dit arba'un, et d'autres hadiths, etc. Et puis on avait cité d'autres hadiths où celui qui commet certaines actions, il y a un désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à lui. Et on avait expliqué le sens de ça aussi. Pour les frères et les sœurs qui n'ont pas écouté les durus précédents, qui n'étaient pas là, eh bien, non seulement il y a les audios sur le site ou sur Sunna Publication aussi, et il y a aussi les notes. C'est-à-dire les notes des cours, des deux cours précédents, les notes elles sont en PDF ou en Word, et vous pouvez les télécharger, Inch'Allah. À la Koulihan, donc, à la lumière de tout ça, on avait rapporté aussi une parole d'un grand savant dans Kitab al-Iman. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Iman. C'est qui ce savant? Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, il avait rapporté l'explication de tous ces textes-là, etc. Et Cheikh Bazmoul, il avait expliqué cela aussi. Et on est arrivé maintenant à la parole d'Ibn Taymiyyah. Et là, on va la traduire directement. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, celui qui n'aime pas pour son frère, par rapport au hadith qu'on vient de citer, ce qu'il aime pour lui-même n'a pas ce qu'Allah lui a commandé d'avoir comme foi. Car lorsqu'Allah a nié la foi de quelqu'un, cela ne peut être qu'en raison d'une diminution de ce qu'Allah lui a ordonné comme foi. Et il fait alors partie de ceux qui sont exposés à la menace et ne fait pas partie de ceux qui méritent la promesse absolue. Ça, c'est un mot qui revient souvent, absolu. C'est pour ça qu'il a utilisé ici, il a dit, من المستحقين للوعد المطلق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم, من غشنا فليس منا, ومن حمل علينا السلاح فليس منا. كله من هذا الباب لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه. أو فعل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Et de même sa parole صلى الله عليه وسلم, celui qui triche envers nous ne fait pas partie des nôtres, et celui qui porte l'arme contre nous ne fait pas partie des nôtres. Tout cela est du même registre. Il ne le dit qu'à celui qui a délaissé ce qu'Allah lui a rendu obligatoire ou qui a commis ce qu'Allah et son messager alayhi salatu wasalam ont interdit. Il aura donc délaissé de la foi qui lui est obligatoire ce qui lui cause que le nom de foi lui soit nié. Et donc, il ne fait pas partie des croyants qui méritent la promesse et sont saufs de la menace. Alors que maintenant, je vous pose la question, et vous devrez être capable de répondre, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas croyant du tout? Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ces textes-là. C'est important de comprendre ça parce que Cheikh Bezmoul, qu'est-ce qu'il est en train de faire de manière excellente, c'est qu'il établit des règles pour qu'on comprenne certains textes, en fait. Et on va bien le voir dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, surtout dans la troisième règle. Fin des citations d'Ibn Taymiyyah, je vous donne la référence, volume 7, page 41. وقال رحمه الله تعالى تجري ابن تيمية كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهما بين الكفار والمنافقين لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح انتهى كلامه رحمه الله. Encore bien pour illustrer cela, il dit ابن تيمية qu'Allah lui fasse miséricorde, ils sont tous unanimes sur le fait que les pervers qui ne sont pas des hypocrites ont quelque chose en termes de foi par lequel ils seront sortis de l'enfer. Et c'est ce qui les distingue des mécréants et des hypocrites. Mais s'ils ont une partie de la foi, cela n'implique pas qu'ils rentrent dans le nom absolu dont l'éloge est fait. Fin du citation d'Ibn Taymiyyah, et c'est le même volume de Majmou' al-Fatawa, volume 7, page 257. Et puis Cheikh, il dit une parole importante et intéressante ici, وَهَدَ مَبِنِيُونَ عَلَى أَصْلِ. Ici, on parle des fondements ici. Il va rapporter un des fondements. Il dit, أَنَ الْإِيمَانِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ فِي الْعَبْدِ طَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَإِيمَانٌ وَكُفْرٌ. Cheikh Bezmoul, il dit, et cela est basé sur un fondement. C'est quoi ce fondement-là? On l'a déjà vu dans, pour les frères qui ont assisté au Sunnah de l'imam Ahmed, que quoi? Que la foi augmente et elle diminue. Et qu'il se peut que l'obéissance et la désobéissance se retrouvent tous deux en un serviteur. Et de la foi et de la mécréance. On va le voir en détail après, Inch'Allah, dans la suite du cours. وَحِنَ إِذٍ قَدْ يَجْتَمِعُ. Et c'est encore une fois, on parle d'Ibn Taymiyyah ici. وَحِنَ إِذٍ قَدْ يَجْتَمِعُ فِي الْإِنسَانِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ. Maintenant, chacun d'entre vous qui a assisté au cours précédent, ou au cours précédent, eh bien, devrait être capable de prouver cela. Si quelqu'un te dit, mais après, comment est-ce que tu dis que quelqu'un peut avoir quoi? Hein? L'iman est, l'iman est du kufr. D'où est-ce que tu as sorti ça? Tu peux lui citer quoi? Les hadiths qu'on a cités? Hein? Où il y a cette description de quoi? De kufr. Hein? Et malgré cela, la personne qui commet ces actions-là n'est pas un kafir. C'est clair, ça ou pas? وَحِينَ إِذٍ قَدْ يَجْتَمِعُ فِي الْإِنسَانِ إِيمَانِ فِي الْإِنسَانِ إِيمَانِ ونفاق وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما جاء في أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Et donc, on va le voir d'un instant, c'est toujours une parole de Ibn Taymiyyah. Et donc, il se peut que se trouve en un individu de la foi et de l'hypocrisie. Et il se peut que se retrouve en lui certaines branches de la foi et une branche parmi les branches de la mécréance. Comme cela a été rapporté dans de nombreux hadiths, dont celui dans les deux authentiques d'après Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quatre caractéristiques, si elle se trouve en une personne, c'est un pur hypocrite. Et celui qui possède l'une de ces caractéristiques, aura alors l'une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Si on lui fait confiance, il trahit, et lorsqu'il parle, il ment, et lorsqu'il promet, il ne tient pas ses engagements, et lorsqu'il se dispute, il insulte et jette de mauvaises paroles et de fausses accusations. On avait traduit Fajra de cette manière-là, comme je l'ai dit dans le cours précédent, en fonction de la traduction de l'explication de Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie dans Sahih Muslim, son explication de Sahih Muslim, volume 2, page 369. Alors ce que je viens de citer, et quand vous allez voir les notes, Inch'Allah, que vous pouvez les télécharger, c'est entre des parenthèses, hein, toute cette parole-là que je viens de citer jusqu'à maintenant, elle est d'Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, toujours le même volume, volume 7, mais page 616. Alors ce hadith, je vous donne la référence, il est rapporté par le Bukhari dans son authentique, Livre de la foi, chapitre des signes de l'hypocrite, numéro 34, et Muslim dans son authentique aussi, livre de la foi, chapitre de la mise en évidence des caractéristiques de l'hypocrite, numéro 58. Puis maintenant, il va citer une parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui est un des élèves de qui? Ibn Taymiyyah, du shirk qu'on vient de citer. قال ابن القيم رحمه الله وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال رجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلى الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك عليك السلام ولولا أنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وهذا اللفظ أخاف من غيره من الألفاظ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم ce grand imam de la communauté il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Quant à l'association mineure, c'est comme l'ostentation minime. Moi, j'ai traduit ça de cette manière-là. Yassir Riya. Alors maintenant, il convient de définir un minimum. C'est quoi Yassir Riya? C'est quoi Yassir Riya? Inch'Allah, si on fait un livre, comme par exemple Sulam al-Wusud al-Haf al-Hakami, ou par exemple comme Irshad al-Asah al-I'tiqad de Cheikh al-Fawzan, ce genre de notions, ou Kitab Tawhid, c'est des notions qui sont expliquées. Mais comme on en parle dans le cours aujourd'hui, même si on n'explique pas de manière très détaillée, on va au moins en parler un minimum. Et je vous ai rapporté une parole de Cheikh Al-Fawzan et une parole de l'Ifta qui se retrouve sur le site de l'Ifta parmi les paroles du comité permanent pour la fatwa dans l'Arabie Saoudite. Donc c'est quoi Yassir al-Riya? La question suivante fut posée à son éminence Cheikh Saleh ibn Fawzan, ibn Abdillah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Votre éminence, qu'Allah vous facilite, quel est le sens de votre parole? L'association mineure, Shirk al-Asghar, c'est l'ostentation minime, Yassir al-Riya. Yassir al-Riya. Quelle est la règle qui différencie ce qui est minime de ce qui est beaucoup? La réponse du cheikh, beaucoup d'ostentation, yani kassir al-Riya, cela devient beaucoup, cela devient alors l'ostentation de qui? Des hypocrites. Tandis que l'ostentation minime n'est pas l'ostentation des hypocrites. Il est possible que cela arrive à certains croyants. Et ça rejoint aussi le sujet du cours d'aujourd'hui. C'est donc cela la différence que beaucoup d'ostentation, c'est l'ostentation des hypocrites. Et c'est une association majeure. Tandis que l'ostentation minime, yassir al-riya, c'est de l'association mineure, et cela arrive à certains croyants. Puis j'ai mis le lien où vous retrouvez cette parole de Cheikh Al-Fawzan sur son site officiel. Et sur le site d'Al-Ifta en Arabie Saoudite, il est dit, l'ostentation, c'est une explication très très très détaillée, il aurait été trop long de le faire, j'ai pris juste la partie qui nous intéressait, mais j'ai mis le lien pour ceux qui veulent lire tout ce passage-là, parce qu'il parle de hukm riya, d'où ça vient le riya dans la langue arabe, c'est quoi la différence entre riya ou sum'a, hein, etc. Et c'est quoi le hukm, les différents genres, et par rapport aux différentes situations, etc. Avec toutes les preuves. Mais sur le site d'Al-Ifta en Arabie Saoudite, il est dit, l'ostentation soit entre dans la base de l'adoration, ou dans le fait de l'embellir. S'il entre dans la base de l'adoration, ou si elle entre, par rapport à l'ostentation, si elle entre dans la base de l'adoration, dans le sens où la personne, il ne fait l'adoration, comme la prière et la zakat et le jeûne, que par ostentation, et que donc si ce n'était pas cela, il ne prierait pas, et ne jeûnerait pas, et n'invoquerait pas Allah, il est alors un mushrik, un associateur de la grande association. Et il fait partie des hypocrites au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dont la traduction du sens est, les hypocrites cherchent à tromper Allah, et c'est lui qui les trompe, et lorsqu'ils se lèvent pour la salah, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Ô les croyants, ne prenez pas pour allier les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Les hypocrites sont certes au plus bas fond du feu, et tu ne trouveras jamais de secoureur, sauf ceux qui se repentent, s'amendent et s'attachent fermement à Allah, et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Et c'est la traduction du sens de Sourate Nisa, versets 142 à 146. Mais ils continuent l'explication, ils disent que, et si l'ostentation entre maintenant, ça c'était l'exemple sur quoi? Sur l'ostentation quand elle entre dans quoi? Dans la base de l'adoration. Et maintenant il dit, et si l'ostentation entre dans ce qu'on appelle, les ulama ils appellent at-tazin ou at-tajmil, c'est-à-dire, tu jammil l'ibad ou tu zayyunuha, hein? Mais si l'ostentation entre dans l'embellissement, dans le sens où celui qui fait cette action n'est pour attention que la face d'Allah le Très-Haut, mais il l'embellit comme le fait qu'il allonge la prière afin que les gens le voient. Ou qu'il lève la voix en récitant le Coran, ou en invoquant afin que les gens l'entendent et fassent son éloge. Alors, l'ostentation est considérée comme une association mineure qui ne fait pas sortir celui qui commet cela de l'islam, car ce qui est entendu par l'ostentation, qui est l'association mineure, c'est l'ostentation minime. C'est pour ça que j'ai rapporté ça ici. Yassir al-Riya, qui rentre dans l'embellissement de l'action, dont l'intention est la face d'Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Et j'ai mis un lien, où vous pouvez retrouver cette parole, et vous pouvez, inshallah, lire cela en détail. C'est très intéressant, je vous recommande vivement de lire. Hein. Il rapporte même la différence entre sum'a ou riya, et que sum'a c'est lié à hasad sam', et que riya c'est plutôt lié à ce que le fait que les gens te voient, et que sum'a c'est plutôt lié au fait que les gens quoi, hein, ils parlent de toi. Et c'est pour ça donc que tu embellis les actions, etc. Donc, pour revenir à ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit, quant à l'association mineure, c'est comme quoi on a dit maintenant? Vous êtes capable de terminer la phrase, hein, comme l'ostentation minime, et embellir pour les gens, tasana al-linnas, et jurer par autre qu'Allah, comme il était rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, celui qui jure par autre qu'Allah aura certes associé. Et ce hadith, il est jugé hasan li ghayrihi, et on a déjà cité les références dans un cours précédent, on va pas les reciter aujourd'hui. Et la parole de l'homme à un autre homme, ce que Allah veut, écoutez, hein, ici en arabe, wa shi't, ce que Allah veut, et tu veux. Et cela vient d'Allah et de toi. Et je suis par Allah et par toi. Et je n'ai qu'Allah et toi. Et je place ma confiance en Allah et en toi. Et si ce n'était toi, telle ou telle chose ne serait pas. Et il se peut que cela soit une grande mécréance en fonction de celui qui dit cela et de son intention. Puis le cheikh il dit, il rapporte un hadith. D'ailleurs, si vous voulez avoir une définition de shirk asghar et shirk akbar, je vous recommande Durus al-Muhimma de Sheikh Ibn Baz. Et je vous recommande de mémoriser ce matin-là. Il n'est pas difficile à mémoriser. Hein? Il n'est pas très long et il rapporte des définitions faciles à quelques preuves à chaque fois. La différence entre le shirk al-akbar et le shirk asghar, etc. Hein? Il explique ce genre de... D'ailleurs, c'est un des chapitres, une des leçons, les aqsam al-tawhid ou aqsam al-shirk. Les catégories du tawhid, d'unicité, et les catégories de l'association. الشيخ يلسيت حديث يلدي وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il a été rapporté de manière authentique du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a dit à un homme qui lui a dit ce que Allah veut et que tu veux. Il lui a dit عليه الصلاة والسلام m'as-tu rendu l'égal d'Allah, dis ce que Allah veut ou ce que Allah seul veut, ce que seul Allah veut. Et ce hadith est rapporté par Ahmed dans le Musnad, volume 1, numéro 214, 283 et 347, et le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, numéro 783, et je vous recommande vivement ce livre, c'est un livre, qui est un livre en or, subhanallah, qui est l'imam al-Bukhari, rahimahullah, afradu anis sahih, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Adab al-Mufrad, c'est-à-dire que c'est des hadiths qui ne sont pas dans le sahih, et qui sont que dans le comportement, et il est expliqué par Cheikh Abdelrazak al-Badr en 162 cassettes. Il est disponible sur son site. Donc, dans Adab Mufrad, numéro 783, et il se retrouve dans l'authentique d'Adab Mufrad, parce que Cheikh Al-Albani a corrigé les hadiths, hein, il a fait la distinction entre l'Ahadith Sahih et l'Ahadith Da'ifa dans l'Adab Mufrad, de Cheikh Al-Albani, sous le numéro, ou sous la page, pardon, 292. Et puis, Cheikh, pour les frères qui ont le livre, il rapporte une formulation en bas, il dit, dans le Hashiya ici, Wallah, de l'Ahadith, عند أحمد عن ابن عباس, رجل عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه الكلام فقال ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله عدلا. La première rivière c'était quoi? Nidda. Et ici c'est quoi? عدلا. ما شاء الله وحده. والحديث صحه ابن القيم كما ترى وصحه الألباني في سلسلة أحاديث الصحيحة، وتوسع في عزوه جزا الله خيرا تحت رقم 139. Donc ici, il rapporte une autre formulation de ce hadith. Chez Ahmed, volume 1, numéro 347, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'il a dit, un homme vint chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disant ce que Allah veut et ce que tu veux. Vous avez toujours trouvé ici ce « et », waouh. Hein? Et c'est pas ça qu'on doit dire. Hein? Et c'est ça qui est considéré comme du shirk asghar ici. Il, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, alors m'as-tu rendu égal à Allah? Dis ce que seul Allah veut. Hmm? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Thumma. Et comme tu peux le voir, Ibn al-Qayyim a jugé le hadith comme étant authentique. Il a été jugé authentique par Cheikh al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans al-Silsila al-Sahiha, c'est-à-dire al-Silsila al-Hadith al-Sahiha. Et c'est étendu sur les références de ce hadith sous le numéro 139, qu'Allah le récompense en bien. Et puis Cheikh dit, et cette parole est plus légère que les autres paroles, fin de citation d'Ibn al-Qayyim, si vous voulez la référence de la parole d'Ibn al-Qayyim, Madarij al-Salikin, volume 1, page 339-344. 339 à 344. Maintenant, قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقل الجمهور أنه لا يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة وقال أحمد أمروها كما جاءت يعني لا يقال يخرج ولا يخرج وما سوى هذين القولين غير صحيح انتهى كلامه رحمه الله. Et puis écoutez bien ici parce que ça c'est très important ce qu'il va dire ici, ça va un peu résumer tout ce qu'on a dit. وينبني على هذا التقرير أمور منها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان المطلق إنما يقال عنه مسلم ماذا ناقص الإيمان ça va venir après mais d'abord le premier on avait dit quoi l'autre jour مسلم فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه كفر وإيمان ويراد بالكفر مشابة أفعال الكافرين ونقص إيمانه لا حبوط الإيمان وزواله ومنها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد تأتي بمعنى الكفر والشرك والنفاق الذي يخرج من الملة وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملة ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إن إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة إذا لم يستحله إنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين وأنه قد نافى بملابسته لهذه الأفعال كمال الإيمان الواجب وحقيقته وإخلاصه. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله qui est l'auteur du livre qu'on va s'attacher à étudier après cette longue introduction inshallah est celui dont le législateur a cité de manière absolue la mécréance en raison des péchés. Le Jumhur dit qu'il ne sort pas de l'islam. Et Ahmed a dit, citez-les comme ils ont été rapportés. C'est-à-dire, citez les textes comme ils ont été rapportés. Et vous vous souvenez qu'on a parlé de ça sur le sunnah de l'imam Ahmed. Quand on a parlé de ça, quand il a dit, que, et Cheikh Rabi, il a expliqué ça. Quand on cite les hadiths, pourquoi? Comme ils ont été rapportés, pourquoi? Pourquoi? C'est ce qu'il avait dit, pour faire peur, pour effrayer. Mais sinon, le sunnah, ils en connaissent certainement le sens. Et ils expliquent le sens de cela. Et Cheikh Ali, c'est-à-dire, on ne dit pas, il sort de l'islam, ni il ne sort pas de l'islam. Et toute parole en dehors de ces deux paroles n'est pas correcte. Et maintenant, et ça c'est en guise de résumé si vous voulez, on ne va pas rapporter des points, essayer de les retenir, Inch'Allah. Et les points suivants découlent de ce que nous avons établi. Premier point, que celui qui commet ses actions parmi les musulmans, et on pourrait même faire un texte lacunaire, vous serez même capable de terminer chaque fois les mots manquants, que celui qui commet ses actions parmi les musulmans n'est pas en droit de recevoir le nom de foi, quoi? Absolu, oui. Mais on ne dit de lui à son sujet que musulman. Quoi? Pervers, ou croyant ayant une foi diminuée, ou croyant pervers. C'est-à-dire quoi? Qu'il est toujours croyant. Deuxième point, que peuvent se retrouver en un homme une foi et une mécréance, et le sens de mécréance et la ressemblance aux actions des mécréants, et la diminution de sa foi, non pas l'annulation de la foi et sa disparition. Vous vous rappelez, dans tout début, dans le premier cours, on avait dit que Cheikh Abdelrazak al-Badr, dans son explication de Nawaqid al-Islam, il dit qu'il y a quoi? Il y a Nawaqid al-Islam. On a fait toute une explication de Nun, Qaf et Dad, vous vous souvenez, hein? Et de ses sens, etc. De ce que ça veut dire Naqid, Nawaqid, etc. On va pas répéter tout ça. Et il avait dit aussi qu'il y avait quoi? Nawaqis al-Islam, avec Sad. Et les annulatifs de l'Islam, ou les annulations de l'Islam, et les choses qui sont des diminutions de l'Islam. Ou de l'Iman, si vous voulez. Donc on a dit quoi ici? Deuxième point, que peuvent se retrouver en un homme une foi et une mécréance, et le sens de mécréance, et la ressemblance aux actions des mécréants, et la diminution de sa foi, non pas l'annulation de sa foi et sa disparition. Troisième point, que la mécréance et l'association et l'hypocrisie peuvent être dans les textes de la législation avec le sens de la mécréance et de l'association et de l'hypocrisie qui font sortir de l'islam. Et il se peut qu'il soit avec le sens de la mécréance et de l'association qui ne fait pas sortir celui qui commet cela de la religion. Quatrième point, que le fait de donner ses noms à l'acte si le musulman le commet, les commets, ou le commet par rapport à l'acte ici, le sens de cela n'est pas de le faire sortir de l'islam s'il ne croit pas que cela est licite. Alors maintenant, si quelqu'un vous jette une chouba, on a déjà répondu à cette chouba pour les frères qui assistent au cours avant, hein, si quelqu'un vous jette une chouba, il dit, mais il a fait cette action, il a, ça veut dire qu'il la considère comme étant licite, comment tu lui réponds? Non, et comment tu expliques? Vas-y. Hein? Pourquoi? Il avait dit quoi? Cheikh Ali, je vous ai trop là. Cheikh Ali al-Haddadi, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'on avait rapporté la position d'Ahl Sunna par rapport à Murtakib al-Kabira. Par les œuvres et par le cœur. De manière beaucoup plus simple. Bah oui, que c'est ça, que c'est être dans le. Hein? Qui doit croire que c'est licite. Or, où elle est cette croyance? Est-ce que toi tu peux le savoir? Tu peux le savoir que s'il le... Il le dit. Et il avait dit, Annie, que si le simple fait de faire un grand péché, hein, impliquait systématiquement que tu le, hein, le croyais comme étant licite, ben ça veut dire que toute personne qui fait un grand péché est quoi, hein? Un kafir. Or, c'est pas ça la position des gens de la Sunna. Et on avait prouvé ça de manière détaillée, que c'est pas ça la position des gens de la Sunna. Pour les frères qui n'étaient pas là, le PDF il est disponible sur notre site et il est disponible sur, je ne me trompe pas, sur ma publication aussi. Donc ça c'est bien clair. Troisième règle, الضابط الثالث, أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. La troisième règle sur le tekfir, par les 15 règles qu'on va voir, inshallah, que Cheikh Bazmouli cite. Celui dont l'islam est établi avec certitude, il ne peut être jugé mécréant qu'avec une certitude. Et pour la référence de la parole de Cheikh Mohammed al-Wahhab, c'est Fatawa al-Masail, Al-Fatawa al-Masail, page 66 de Cheikh Mohammed al-Wahhab. Alors c'est quoi cette troisième règle? Eh bien il dit, et cela est basé sur une règle légiférée établie dans les grandes règles. C'est pour les frères qui ont déjà fait le Qawa al-Fiqhiyya, il y a ce qu'on appelle al-qawa'id, al-quoi? Al-qawa'id al-fiqhiyya, oui, mais celui qui fait al-qawa'id, al-khams. Ce qu'on appelle aussi al-qawa'id al-kubra, les grandes règles, les cinq grandes règles. Et puis il y a des règles qui sont des branches de ces règles-là aussi. Hein? D'ailleurs, Cheikh Bazmoul, comme on va le dire dans un instant, il le dit lui-même en bas de page, eh bien, Cheikh Bazmoul, il a un livre qui a été imprimé, de lui, où il explique juste ces cinq règles-là, dont celle-là. Donc si vous voulez avoir en plus en détail, allez voir cela. Aussi, vous avez le Qa'il Fiqhiyya. Vous avez notamment le Qa'il Fiqhiyya de qui? De Cheikh Sa'di, rahimahullah. Qui l'a expliqué notamment, qui a été publié? Cheikh Rawi al-Jabiri, hafadahullah. Naam, ahsan. Qui d'autre? Hein? Il y a aussi une mandoma qui a été faite de ça. Hein, en poème. Moi, il y a beaucoup de livres sur le Qa'il Fiqhiyya, et il y a même un gros tome qui a été publié, qui s'appelle Qa'il Fiqhiyya al-Kubra, wa ma yatafarra'u anha. Les cinq grandes règles, et ce qui en découle, les branches qui en découlent. Donc, retournez au livre de Qa'il Fiqhiyya, etc., et vous allez voir c'est quoi ces cinq règles en détail, et surtout cette règle-là qu'on va citer aujourd'hui. Maintenant, Cheikh, il dit d'ailleurs en bas de page, il cite les quatre autres règles. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on a cinq. Al-Qa'id al-Khams al-Kubra. Mais le reste de ces cinq autres règles, donc les quatre autres règles, c'est la première, les choses sont en fonction de leur intention. Al-Umur bi-maqasidiha. Les choses sont en fonction de leur intention. Deuxième, la difficulté est levée. Ad-darar yuzal. Troisième, la coutume est considérée dans le jugement. C'est des traductions, c'est pas des explications. Donc, c'est juste pour vous voir un peu ce que ça veut dire, mais pour les explications, il faut aller plus en détail dans les livres que j'ai cités. La coutume est considérée dans le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en arabe, hein? Al-ada muhakkama. Et la difficulté amène une facilitation. C'est quoi? Al-mashaqqatu tajubbu wa ta'afan tajlibu at-taysir. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Et Cheikh, elle dit, je les ai expliquées dans un livre à part, et elles sont aussi expliquées dans le livre des règles de la jurisprudence. Et je vous ai cité quelques sources où vous pouvez retourner à cela, et notamment l'explication que le frère a cité de Cheikh Abdel Jabiri, que je vous recommande vivement, parce qu'elle elle est excellente, il donne beaucoup d'exemples, etc. Et je vous la recommande vivement. Sinon, retournez, en tout cas pour ces cinq règles-là, à l'explication de Cheikh Bezmoul. Et je ne sais pas si quelqu'un se rappelle l'édition, mais moi j'ai oublié l'édition de... Hein? On a des éditeurs ici aujourd'hui, donc si quelqu'un sait nous aider... Hein? الكبرى ديال الشيخ بزم العقل تي على الطبعه ديالها دار الاستقامه ياك دار الاستقامه جزاك الله خير احسنت بارك الله فيك دونك الشيخ il dit et cela et je répète et cela est basé sur une règle légiférée établie dans les grandes règles de la jurisprudence islamique qui est la certitude n'est pas retirée par un doute hein. وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى وهي اليقين لا يزول بالشك. قال ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يكفر أحد من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit la règle, elle dit la certitude n'est pas retirée par un doute. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit et il n'est permis à personne de juger quelqu'un parmi les musulmans comme étant mécréant et ce même s'il commet une erreur et se trompe tant que les preuves ne lui sont pas dressées, présentées contre, ou dressées contre lui et que la vérité ne lui ait pas été clarifiée. Et il cite la référence Majmou al-Fatawa, volume 12, page 466. Encore une fois, c'est pas notre travail de faire ça, c'est le travail des ulama et même des enracinés dans la science, et ça c'est une des règles qui va venir plus tard inchallah. Et d'ailleurs, qui est court dans le livre, mais nous on va l'élargir inchallah parce qu'on va apporter beaucoup de savants, notamment Cheikh Saleh Ali Cheikh, Cheikh Al-Fawzan et beaucoup de savants inchallah. Et comme j'ai cité la parole de Cheikh Hassan Benna quand j'étais le voir à Manchester ou quand il est venu ici, je lui ai posé la question, il a dit c'est ni à toi ni à moi de faire ça, c'est au ulama al-kibar. Et Cheikh Ahmed Bezmoul, dans ce livre-là, je ne sais pas si tu sais vite voir c'est quelle règle, ou c'est l'avant-dernière, ou je ne sais plus, la 14e, ou je ne sais plus quelle règle, sur c'est qui revient le tekfir, eh bien, il dit que ça ne revient même pas au ahad al-ulama. Mais ça revient, au ulama, au grand ulama, et ceux qui sont le marji' dans la fatwa et dans le qada, et dans le jugement, etc. Et donc, Cheikh, il dit, et nous basant sur cette règle qui est la quantième, là, la troisième, eh bien, ce qui arrive, ce qui suit, est basé sur cette règle-là. Et c'est quoi? Eh bien, c'est la quatrième règle. Al-Dabit al-Rabi' قَدْ يَجْتَمِعُ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ إِيمَانٌ وَكُفْرٌ وَطَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ. La quatrième règle sur le tekfir, une foi et une mécréance, une obéissance, là, la dernière, la quinzième. Donc la quinzième, c'est sur à qui revient le tekfir. Une foi et une mécréance, une obéissance et une désobéissance peuvent se retrouver ensemble dans le cœur d'un musulman. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh, il dit, pour que ce soit pas mal compris, مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. Vous savez, vous rappelez quand on a parlé de Mu'arif Takib al-Kabira, on avait dit qu'on le considérait comme étant quoi? مؤمن بي. imanihi fasiqun bikabirati. On avait utilisé un autre nom qu'on va citer encore aujourd'hui, que Cheikh Bazmoul va citer, c'est quoi? Al-fasiq al-milli. C'est-à-dire le pervers parmi les gens de cette communauté. C'est-à-dire qu'il est toujours, parmi les gens de cette communauté, il est toujours un musulman, même s'il est pervers. Donc il est croyant en termes de sa croyance et en raison de sa croyance, mais il est pervers en raison de son grand péché ou de sa désobéissance. Cheikh il dit, et le sens de mes créances ici est... Quelle mécréance il parle? Il parle de celle qui peut se retrouver avec la foi, hein, dans le cœur d'un musulman. Il dit, et le sens de mes créances... Et vous connaissez déjà cela. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a parlé de naqid? On a parlé de quoi? On a parlé de ad-diddan, et on a parlé de quoi aussi? Al-naqidan. Hein? Al-naqidan. Et on avait dit, c'est quoi al-naqidan? Quand il y en a un, est-ce que l'autre il peut être là aussi? Hein? Je vous pose la question. Tu dis quoi? Naqidan, t'es sûr? Regarde tes notes. Moi, je dis que non. Regarde si tu veux bien. Hein? Al-naqid. Toi, tu te confonds avec al-diddan, toi. Al-naqid, justement, c'est ça la définition. C'est quand un, il est là, et bien l'autre, il peut pas être là. Hein? Non, c'est le tout premier qu'on a fait naqid, c'est le tout premier. Il y en a qu'on a fait le troisième de toute façon, mais hein? C'est au premier cours. C'est hein? C'est ça, c'est justement, c'est pour ça. Donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Et le sens de mes créances ici est celle qui ne fait pas sortir de l'islam et donc n'est pas annulative de la foi à tout niveau. Ce que cette mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam retire, c'est le nom de foi absolu. Et donc on ne dit pas son sujet croyant, mais on dit uniquement son sujet quoi? Croyant pervers, croyant ayant une foi diminuée. Il est donc un croyant en raison de sa foi et pervers en raison de sa désobéissance. Puis le shir, il continue au ba'd. الإيمان قد يكون شرطا في بعض الآخر في بعضه الآخر وقد يكون بعضه المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما جاء في أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وسلم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها يدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. Cheikh dit, il se peut qu'une partie de la foi soit une condition pour l'autre partie de la foi. Et il se peut que la partie laissée ne soit pas une condition pour l'existence de l'autre partie ni pour son acceptation. Et donc, il est possible que se retrouve en une personne une foi et une hypocrisie. Et il se peut que se retrouve en une personne certaines branches de la foi et une branche parmi les branches de la mécréance. Comme cela a été rapporté dans beaucoup de hadiths, parmi eux, donc c'est maintenant c'est des choses, des notions qui sont des fondements chez les gens de la sunna du consensus, que vous pouvez même prouver parce que vous connaissez les hadiths maintenant. Parmi eux, celui qui a été rapporté dans les authentiques, d'après Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est un hadith qu'on a déjà cité. Quatre caractéristiques, si elles se trouvent en une personne, c'est un pur hypocrite. Et celui qui possède l'une de ces caractéristiques aura alors l'une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Si on lui fait confiance, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il promet, il ne tient pas ses engagements. Et lorsqu'il se dispute, il insulte et jette de mauvaises paroles et de fausses accusations. Mais encore une fois, c'est une traduction conforme à l'explication du Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, volume 2, page 369. Encore une fois la référence, rapportée par le Bukhari, je vous donne juste le numéro 34, et Muslim numéro 58. Et maintenant, c'est une notion dont on a déjà parlé dans nos cours, quand il y a un hadith, il faut voir d'abord s'il est authentique, et puis on voit aussi quoi? Ce qu'on appelle wajh al-dalala. C'est-à-dire, c'est quoi le témoin argumentatif? Pourquoi le shir, il a utilisé ce hadith comme preuve? Et comment on comprend que c'est une preuve pour ce qu'il est en train d'avancer ici? Il dit, et le témoin argumentatif dans ce texte est que sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est-à-dire que si toi tu cites maintenant cette preuve par rapport à ce que tu avances à quelqu'un, eh bien tu lui prends de cette preuve ce qui est le témoin argumentatif pour ce que tu essaies de quoi de prouver. Eh bien c'est quoi? Il aura alors l'une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Il dit, indique que peuvent se retrouver ensemble chez un homme une hypocrisie et de l'islam. Et il cite un livre que Cheikh Falah Ismail ici l'a cité dans cette mosquée. C'est Kitab Salah ibn al-Qayyim. Quand il y a eu le problème de tekfir, etc., les gens qui avaient des chouboites, etc., il a référé à ce livre-là. Hein? Dans certaines jalassettes aussi, moi j'assistais, il a référé à ce livre-là parce qu'il y a beaucoup de fondements hein, que certains de nos frères qui rentrent dans ce genre de masaïl ne comprennent pas. Hein? Comme quand il a posé la question, est-ce que chez les gens de la sunna, est-ce que l'iman et le kufr, ils peuvent se trouver une personne? Le frère, il a dit non. Cher, il a conseillé de lire ce genre de livre-là, justement. Kitab Salah. Hein? Ça prouve qu'il y a des gens qui rentrent dans ce masaïl-là et qui n'ont même pas les bases. Hein? Dans l'iman, il n'est pas rentré dans ce genre de masaïl-là. Je vous donne la référence de Kitab Salah et Cheikh, il a insisté, Cheikh Falah Ismail, il se retrouve pour les frères qui ont, vous savez qu'en Arabie Saoudite, ils ont édité maintenant beaucoup de, ils ont fait un travail pour rééditer les livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Al-Qayyim. Et ils les font en majmouat comme ça. Et bien, Kitab Salah, il se retrouve dans une des majmouat. Kitab Salah. C'est un gros volume, Kitab Salah, hein, d'Ibn Al-Qayyim, rahimahullah. Mais Cheikh, il cite une autre édition, il dit, c'est page 389, au sein de majmouat al-hadith al-Najdiyah. Donc, Kitab Salah, page 389. Donc, ça indique que quoi? Que peuvent se retrouver ensemble chez un homme une hypocrisie et de l'islam. وما جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. Et ce qui a été rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui meurt sans avoir participé à une expédition et sans en avoir eu l'intention sera mort ayant une branche d'hypocrisie. Rapporté par Muslim dans son authentique livre de la gouvernance, Kitab al-Imara. Même certains ulama, ils ont dit c'est Kitab al-Amara, mais certains maïchirs, ils ont dit que ce qui est correct, c'est Kitab al-Imara. Chapitre du blâme envers celui qui meurt sans avoir participé à une expédition et n'en a pas eu l'intention. Numéro 1910. Et à sa fin, il a dit, on a déjà rapporté cette parole dans le cours précédent, que Ibn Sam, c'est qui Ibn Sam? Mais c'est le cheikh de l'auteur. C'est qui l'auteur? Le cheikh de Muslim. Il a dit, Abdullah ibn Mubarak a dit, nous voyons que cela était à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà dit qu'il y a des ulama qui disent que c'est, hein, que c'est général. Un autre hadith, encore une autre preuve. وَجَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَوْ بَاءَ بِهِ عَفْوًا أَحَدُهُمَا وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ سَمَّاهُ أَخَاهُ حِينَ الْقَوْلِ وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا بَاءَ بِهَا فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر. Et ce qui était rapporté, c'est-à-dire, et encore une autre preuve, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'homme dit à son frère, ô mécréant, la parole revient sur l'un des deux. Rapporté par le Bukhari dans son authentique livre des bienséances, Kitab al-Adab, chapitre de celui qui juge son frère mécréant, sans interprétation, il est alors comme il a dit, numéro 6103. Et le témoin argumentatif, encore une fois ici, est qu'il l'a appelé comment? Son frère, lors de la parole, et qu'il a informé que la parole revient sur l'un des deux, et donc, que si l'un des deux était complètement sorti de l'islam, il ne serait alors pas son frère, mais de plus qu'il a en lui quoi? De la mécréance. Voir Majmou al-Fatawa, volume 7, page 355. Puis c'est un autre hadith qu'on a déjà rapporté, et que j'ai encore cité aujourd'hui. وَمَجَاءَ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيْتُ أَبَادَرْ بِالرَّبَدَةِ وَعَلِيهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فسألت عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. Et d'après Al-Ma'rour ibn Suwayd qui l'a dit, j'ai rencontré Abu Dharr à Ar-Rabada qui portait une hulla. On avait déjà dit une hulla, c'est quoi? C'est un vêtement composé de quoi? de deux pièces, comme l'a dit Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim. Alhamdulillah, c'est bien, vous retenez. Et c'est pour ça l'importance d'étudier et de suivre des cours. Pourquoi? Parce qu'il y a des notions qui reviennent toujours. Il y a des vocabulaires qu'on apprend, il y a des termes que les ulama utilisent, et une fois qu'on les a, on les a, alhamdoulilah. Il y a des usul et des qawaid qu'une fois qu'on les a. Il y a des usul qu'on a cités dans ce cours-ci qui sont déjà reprises dans quoi? Dans usul sunnah l'imam Ahmed. Pourquoi? Parce qu'Ahl Sunnah, dans tous leurs livres, ils ne se contradisent pas dans l'aqidah. Il n'y a pas de divergence dans l'aqidah. Et quand vous retrouvez un livre d'un savant de l'Inde dans l'aqidah, ou un savant du Maghreb, ou un savant d'Arabie Saoudite, ou un savant de quelque pays que ce soit, vous trouvez, subhanallah, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, qu'ils rapportent les mêmes points dans l'aqidah des gens de la Sunnah du consensus. Hein? Et c'est-à-dire que c'est une preuve qu'ils sont sur la vérité, subhanallah adim. Alors que chez les gens de l'innovation, tu trouves que des contradictions et des divergences, même entre eux. Donc, hulla, c'est bien ça ce que vous avez dit, c'est un vêtement composé de deux pièces, comme l'a dit l'imam Nawawi, rahimahullah. Et son serviteur portait une hulla. Je le questionnais alors à ce sujet, et il dit, j'ai insulté un homme en dénigrant sa mère. C'est-à-dire en lui disant quoi? On l'avait déjà dit dans, Yabna Sauda. En disant, ô fils de la noire, comme cela a été rapporté dans une des versions du hadith, et je vous donne la référence encore une fois, voir l'explication de l'authentique de Muslim, de Cheikh Mohamed Al-Amin ibn Abdillah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari, volume 18, page 268. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me dit alors, à qui? À Abu Dharr. « Oh Abu Dharr, l'as-tu insulté par sa mère? Tu es un individu qui a une caractéristique. » C'est moi qui ai traduit par caractéristique ici. Pourquoi? Par rapport à l'explication correcte. « Tu es un individu qui a une caractéristique de la jahiliya. » Et par rapport à cette caractéristique ici, c'est quoi? Comme l'ont expliqué les ulama dans l'explication de Sahih Muslim, c'est qui est d'insulter quelqu'un par sa mère. Voir l'explication de Cheikh Mohamed Al-Amin ibn Abdillah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari, volume 18, page 268, donc la même page. Ils sont vos frères et vos serviteurs qu'Allah a placés sous votre protection. Celui donc à qui son frère, qui a son frère sous sa protection, qui le nourrisse de ce dont il se nourrit lui-même ou qu'il mange lui-même, et le vêtisse de ce dont il se vêtit lui-même, et ne leur donnez pas de charges dont ils n'ont pas la capacité de s'acquitter, et si vous le faites, alors aidez-les. Al-Hafid ibn Hajar, je répète parce que c'est un point important, il a dit dans le Fath, volume 1, page 27, ce qui m'apparaît, c'est qu'Abu Dharr a dit cela avant qu'il en connaisse l'interdiction. Et cette caractéristique de la jahiliya était donc encore en lui, comme il l'a dit dans la version rapportée par Al-Bukhari dans le chapitre des bienséances. Je dis, à ce moment-ci, alors que j'ai déjà un certain âge, Abu Dharr, il a dit ça, radiallahu anhu arda. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, oui. Et puis, Ibn Hazar, qu'est-ce qu'il dit? Comme s'il était étonné qu'il ne sache pas cela malgré son âge avancé. Il lui a donc montré que cette caractéristique est blâmée dans la religion, et il est possible que le sens issu de jahiliya soit jahil. Comme on l'avait déjà dit dans le cours précédent, c'est-à-dire ignorance, fin de citation de Ibn Hazar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Et ce hadith, il est rapporté dans le Bukhari numéro 30 et Muslim numéro 1661. Si vous voulez que je vous rapporte la référence complète, c'est rapporté par le Bukhari dans son authentique Livre de la foi, chapitre des désobéissances parmi les choses de la jahiliya, et celui qui les commet ne sort pas de l'islam, numéro 30, et Muslim dans son authentique Livre des serments, chapitre de nourrir le serviteur de sa propre nourriture et de le vêtir de ce dont on se vêtit soi-même et de ne pas lui donner des charges trop lourdes, numéro 1661. Maintenant, notre hadith, on l'a déjà cité aussi. وما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. D'après Abu Malik al-Ash'ari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quatre choses se retrouvent dans ma communauté parmi les choses de la jahiliya, qu'ils ne délaisseront pas. Se vanter des mérites des aïeux, dénigrer la généalogie des gens, attribuer la pluie au mouvement des étoiles, et la lamentation, ce qu'on appelle niyah, on a déjà expliqué ce que ça voulait dire, et la lamentation au sujet d'un mort. Et il dit, alayhi salatu wa sallam, celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle sera ressuscitée le jour du jugement, avec sur elle une tunique de goudron et une armure de gale. Hein, et sans fonction de l'explication de Cheikh Mohamed Amin ibn Abdillah al-Urmi al-Alawi, qui dit dans son explication de Sahih Muslim, volume 11, page 150, « La gale sera sur ses membres de manière à recouvrir son corps comme l'armure recouvre son corps. » Il est rapporté par Muslim dans son authentique livre des rites funéraires, chapitre de la sévérité de se lamenter sur les morts, numéro 934. On continue un peu ou... Hein? On n'a fait que 55 minutes, donc on peut peut-être continuer. Mais c'est important parce que je voudrais terminer cette règle-là parce que tout, en fait, est lié au reste. Donc, pour pas qu'on perde le fil, qu'on continue ça aujourd'hui, Inch'Allah, qu'on le finisse aujourd'hui, Inch'Allah. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux choses chez les gens qui sont de la mécréance, dénigrer la généalogie de quelqu'un et se lamenter au sujet d'un mort. Rapporté par Muslim dans son authentique livre de la foi, chapitre de donner le nom de mécréance sur le fait de dénigrer la généalogie de quelqu'un et de se lamenter au sujet de la mort de quelqu'un, numéro 67. Et chez Ali, on retrouve des choses similaires à cela dans les ahadiths. On avait dit que ahadith, c'est le pluriel de quoi? Hadith. C'est quoi un hadith? Ah, je vois qu'il y en a qui l'ont mémorisé parce que j'avais dit si elle se n'en sait pas c'est quoi un hadith, c'est un problème. Hein? Ou qawlin? Ou taqririn? Ou sifa? Khalqiya? Ou khuluqiya? Hein? C'est ce qui était attribué au prophète A.S.A.W. comme parole ou action ou approbation ou description physique ou comportementale. C'est qui a donné cette définition? J'ai cité deux chirs. On a même rapporté une histoire sur un des chirs par rapport à Jamaat Tablir, etc. Que Cheikh Falah nous avait rapporté. Hein? Cheikh Mohamed, on l'a cité dans l'histoire, mais c'est pas un des deux chirs qui a rapporté cette définition-là. Cheikh Mohamed Aman, il est cité aussi dans l'histoire, pendant celui qui est. Cheikh Abdel Karim Mourad, Ahsant. Et Cheikh qui? Cheikh Mouhs al-Abbad. Hein, qui ont écrit tous deux un livre pour les étudiants de Médine qui s'appelle comment? Dans Moustalah al-Hadith, qui est un livre pour les débutants dans le Moustalah. Min atyab al-minah fi ilm al-Moustalah. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم والمقصود أنه قد يجتمع في الرجل إيمان ونفاق وإيمان وكفر فلا يستحق اسم الإيمان المطلق وإنما يقيد بوصف النقصان أو الفسق فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن فاسق وهو ظالم لنفسه. Ibn Abbas رضي الله عنهما ainsi que plus d'un parmi les plus prédécesseurs ont dit au sujet de la parole d'Allah dont la traduction du sens est et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre les voilà les mécréants. Sourate Al-Ma'idah verset 44. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre ceux-là sont des injustes. Sourate Al-Ma'idah verset 45. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, ceux-là sont les pervers. Sourate Al-Ma'idah, verset 47. Il a dit, et les salafs ont dit, c'est une mécréance, hein, d'una kufr, sous la mécréance, c'est-à-dire une mécréance quoi? Mineure. Et une perversité, sous la perversité, c'est-à-dire une perversité mineure. Et une injustice, sous l'injustice, c'est-à-dire une injustice mineure. Pourquoi? Parce que comme on a dit, il y a un kufr, akbar et un kufr, asrar et un fisq. Akbar et un fisq. Asrar et un zulm. Akbar et un dhulm asghar. Je vous donne la référence de cette parole-là. Voir Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 7, page 518 à 521. Cheikh Ridi l'explique cela. Il dit, et le sens de cela est que peuvent se retrouver en l'homme une foi et une hypocrisie. Par rapport à quoi? Au titre de la règle qu'on est en train de voir, qui est la quantième? La quatrième. Qui est quoi la règle? Que l'iman et le kufr peut se retrouver dans le cœur d'un musulman. Mais c'est quel kufr ici? Hein? Et donc, et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Et quoi? Une? Regarde le titre. Une obéissance et une désobéissance peuvent se retrouver dans le cœur d'un ou chez un musulman, d'accord? C'est clair ça ou pas? Et donc il a cité ça ici pour dire quoi? Ben, il l'a dit, et le sens de cela est que peut se retrouver en l'homme une foi et une hypocrisie, et une foi et une mécréance, et que donc il ne mérite pas le nom de foi absolu, et qu'il doit être restreint par la description de quoi? De diminution ou de perversité, et qu'il soit dit croyant ayant une foi diminuée, ou croyant désobéissant, ou croyant pervers, et il est injuste envers lui-même. Alors je vous donne la référence de Majmou al-Fatawa, parce que c'est une parole d'Ibn Taymiyyah, volume 7, page 350, 479 et 523-524. Puis il cite une autre parole d'Ibn Taymiyyah, il dit وقال ابن تيمية رحمة الله عليه إن الإنسان قد يكون في شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقن عن الإسلام بالكلية كما قال الصحابة ابن عباس وغيره رضي الله عنهم جميعا كفر دون كفر وهذا قول عامة السلف هو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب ونحوهم ممن قال في النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بمؤمن إنه يقال لهم مسلمون لا مؤمنون واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة بل كفر دون كفر كما قال ابن عباس وأصحابه رضي الله عنهم جميعا في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفر لا ينقل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. Je vous recommande vivement les débats que Cheikh l'Albani avait avec des tekfiris par rapport à ce athar-là. Il a prouvé qu'il était authentique sur les conditions d'Al-Bukhari ou un muslim. Et comment il a prouvé à quelqu'un qui disait qu'il n'y a qu'un genre de dhulm, comment il lui a prouvé par rapport à des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et qu'il est obligé à dire que c'était le cas contraire. Et je vous recommande vraiment, en ce qui concerne le masel tekfir et les rodos sur le tekfirin, les cassettes de Cheikh l'Albani, rahimahullah. Évidemment, des autres machaïrs, mais particulièrement Cheikh l'Albani, rahimahullah, parce qu'il avait un style qui lui était particulier, rahimahullah ta'ala. Et Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, il se peut que l'individu ait une branche parmi les branches de la foi, et une branche parmi les branches de l'hypocrisie. Et il peut être musulman ayant une mécréance inférieure à la mécréance qui fait sortir complètement de l'islam. Comme l'ont dit les compagnons Ibn Abbas et d'autres. Une mécréance inférieure à la mécréance, c'est-à-dire quoi? Une mécréance mineure. Et cela est la parole de tous les plus prédécesseurs. Et c'est ce qu'a écrit l'imam Ahmed et d'autres qui ont dit au sujet du voleur et de celui qui consomme de l'alcool et similaire, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas croyant » que l'on dit à leur sujet « musulman et pas croyant ». Ils ont utilisé des preuves du Coran et de la Sunna sur la négation du nom de foi avec l'affirmation du nom d'islam. Et que l'homme, il se peut qu'il soit musulman et qu'il ait de la mécréance, qu'il ne fasse pas sortir de l'islam une mécréance mineure, comme l'ont dit Ibn Abbas et ses compagnons au sujet de la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. » Surat al-Ma'ida, verset 44. Alors, il y a peut-être des frères qui n'ont pas l'habitude de lire dans l'Aqida, ils vont avoir peut-être un ishkal ici, et dire « Comment est-ce qu'on peut l'appeler musulman et pas croyant ?» Hein? La réponse, elle va arriver dans la suite du cours, dans ce que Cheikh Bezmoul il va expliquer. Et il va expliquer et va rapporter un verset de Surat al-Hujurat sur l'Arabe. Qui connaît ce verset? « وقالت الأعراب آمنا » jusqu'à la suite du verset. Il va rapporter, on va voir ça plus clair, inshallah. Donc ils ont dit, une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, une mécréance mineure, une perversité mineure et une injustice mineure. Voir Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 7, page 350 et 351. Il rapporte encore, hein, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là aussi, parce que Cheikh, il rapporte beaucoup de noqulat, de narrations des grands imams de la communauté et des salafs. Il dit, c'est une parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله وها هنا أصل آخر كسكون ممكن يتلزي سي أصل آخر هو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد والتقوى وفجور ونفاق وإيمان. Donc quel livre il a dit là? Il a dit ça? Devinez. Le livre que j'ai cité tout à l'heure que Cheikh Falah il a beaucoup recommandé, Kitab Salah. Il a dit, Wahada, écoutez bien cette parole-là. Qu'il n'y a pas un qui vienne vous mettre des choubouhats. Wahada min a'adami usuli ahli sunnah. Et vous vous rappelez dans les usuls de sunnah de l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed lui-même, qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Rabia dans son explication? Celui qui contredit, qui transgresse l'un des fondements des gens de la sunnah du consensus, est-ce qu'il peut être considéré comme étant parmi les gens de la sunnah ou comme étant un salafi? Là. وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة ابن القيم الجوزية رحمه الله الذي et voici un autre fondement. Et c'est qu'il se peut qu'un homme... Regardez le bon enseignement des machaires. Et vous voyez le ni'ma d'être un salafi et de prendre la science des ulama salafi parce que les ulama salafi, ils ont la correcte éducation. La tarbiyah sahiha. C'est quoi? C'est que, regarde, il te fait le charh d'un waqid l'islam et qu'est-ce qu'il te fait avant cela? Hein? Il établit tout des usul pour toi. Il te dit quand tu es dans tous des fondements des gens de la sunna du consensus afin que tu comprennes ces masail correctement. Et que tu construises ta religion sur des fondements qui sont tirés du Coran de la Sunna, hein, sur la compréhension des Sahaba. Il dit, et voici un autre fondement, c'est qu'il se peut qu'un homme se retrouve en lui une mécréance et une foi, une association et une unicité, une piété et une turpitude, une hypocrisie et une foi. Et cela fait partie des fondements des gens de la Sunna et du consensus. Écoutez ce qu'il dit le Cheikh. Et cela fait partie des fondements des gens de la sunna du consensus les plus importants. Et les autres parmi les gens de l'innovation religieuse se sont opposés à eux en cela. Comme qui? On avait déjà vu ça dans un des cours. Al-Khawarij al-Mu'tazila. Al-Qadariya. Et le sujet sur la sortie de l'enfer. Écoutez ce qu'il dit. Et le sujet sur la sortie de l'enfer de ceux qui ont commis des grands péchés et qu'ils y soient éternellement se bat sur ce fondement. Hein, qui était indiqué par le Coran et la Sunna et la disposition naturelle, le fitra, et le consensus des compagnons. Fin de citation d'Ibn al-Qayyim, Kitab al-Salah, page 488, au sein de Majmou'at al-Hadith al-Najdiyah. Maintenant, Cheikh, il dit, écoutez ce qu'il va dire ici. فَإِنْ قِيلْ كَيْفَ يَسْتَقِمُ هَذَا التَّقْرِيرِ مَعَ مَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. Maintenant, à cette époque, à cette étape-ci du livre, vous êtes capables tous de répondre à cette parole-là de celui qui vous dirait cela. Je vous la traduis et vous allez répondre vous-même, Inch'Allah. Hein? Si quelqu'un venait à dire, comment cette règle établie peut être correcte, alors qu'il a été rapporté d'après Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi et la mécréance ne se regroupent pas dans le cœur de quelqu'un. Et la véracité et le mensonge ne se retrouvent pas ensemble. Et la trahison et la confiance ne se trouvent pas ensemble. Donc toi, tu établis une règle. Hein? Et lui te dit, mais comment cette règle pourrait être correcte? Le prophète Sarsam dit ça d'après Abu Huraira. Comment tu lui réponds? Moi, je dis rien. Après, on va rapporter la parole. C'est peut-être correct, hein, mais je dis rien. Et vous allez voir la réponse. Continue. De la foi absolue. C'est tout? Rien d'autre? Rien d'autre? Ceux qui peuvent se retrouver ensemble, c'est le couple familial. C'est l'état absolu du couple familial. Mm-hmm. Rien d'autre? Rien d'autre? Il y a une part de l'hypocrisie, une partie de l'hypocrisie. Mm-hmm. Et quoi? Et malgré ça? Quelque chose d'autre? C'est-à-dire tous les hadiths qu'on a cités en fait. Regardez ce qu'il dit le Cheikh. Fal jawab. Ala dou il ahadith al-sabiqa. À la lumière des hadiths qui ont précédé. C'est pour ça qu'il a rapporté tous ces hadiths pour rétablir quelque chose. Donc vous êtes capable maintenant de faire quoi, hein? Un jam' entre les textes. Ala dou il ahadith al-sabiqa lati bayyana fi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ijtima' al-iman Tu as raison. Et vous avez raison. مَعَ خَسْلَاتِ مَنْ نِفَاقْ أَوْ أَكْتَرْ وَاجْتِمَعَ الْإِيمَانِ مَعَ أَعْمَالِ مِنَ الْكُفْرِ يكون المراد بهذا الحديث. Maintenant, il va expliquer le hadith à la lumière de ce qu'on a déjà établi. لا يجتمع الإيمان المطلق. Donc, il avait raison. الكامل في قلب المرء مع الكفر. وعليه فإن هذا الحديث دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. في تسمية أصحاب المعاصي والذنوب من المسلمين مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان ولا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق خلافا للمرجئة والكرامية وجهمية المرجئة الذين يطلقون على هؤلاء اسم الإيمان المطلق وأنهم مؤمنون إيمانا كاملا وخلافا للخوارج والمعتزلة الذين ينفون عن أصحاب المعاصي اسم الإيمان والإسلام فالإسلام والإيمان عندهم واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام لكن الخوارج تقول هم كفار صنع في الجافيوسي والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار وينزلونهم وينزلهم منزل في منزلة بين المنزلتين فهم مجموع الفتاوى et puis on va citer la référence après. D'abord, par rapport au hadith qu'il a cité dans la question, je vous donne la référence. Il est rapporté par Ahmed Ibn Wahab dans le Jami', comme cela a été rapporté par Cheikh Al-Albani dans Silsilat Ahadith Sahiha, numéro 1050. Et rapporté par Qawam Sunnah dans Al-Hujjatu fi Bayn Al-Mahajjah. Et le hadith a été jugé authentique par Cheikh Nasser. Quand on dit Cheikh Nasser, c'est qui? Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Hassan, il aime bien dire Abu Asma Hafidhullah, il aime bien dire Cheikh Nasser. Dans Silsilat Ahadith Sahiha, numéro 1050. La réponse maintenant. Vous allez voir que vous avez raison. Alhamdulillah, c'est bien parce que ça prouve que quoi? L'importance de suivre ce genre de cours de Cheikh Bazmoul, Hafidahullah Ta'ala, de prendre des fondements dans notre religion. Qu'on puisse être à même de comprendre ce genre de hadith correctement. Eh bien, il dit à la lumière des hadiths qui ont précédé, dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence le regroupement de la foi avec une caractéristique de l'hypocrisie, d'hypocrisie ou plus, et le regroupement de la foi avec des actions de mécréance, le sens du hadith est la foi absolue, complète, comme il a dit notre frère ici justement, ne se regroupe dans le cœur d'un individu, ne se regroupe pas dans le cœur d'un individu avec la mécréance. Je répète cette phrase-là. La foi absolue complète ne se regroupe pas dans le cœur d'un individu avec la mécréance. Et donc, en se basant là-dessus, ce hadith est une preuve sur le fait que les gens de la sunna du consensus appellent ceux qui ont des désobéissances et des péchés parmi les musulmans, croyants pervers ou croyants ayant la foi diminuée, et ne lui donne pas le nom de foi absolue. En opposition à qui? Au murji'a, al-karramiya, al-jahmiyat al-murji'a, qui donne à cela le nom de foi absolue. Et qu'ils sont des croyants ayant une foi quoi? Complète. C'est-à-dire que eux, la yadurru ma'al imani dhanbun, yani y a pas, le péché fait aucun mal à ton iman. Ta foi elle est complète malgré cela. Même si ça fait une kabira, ta foi elle est complète. Qui donne à cela le nom de foi absolue, qu'ils sont des croyants ayant une foi complète. Et c'est qui est à l'opposé? On a toujours dit que dans nos cours que Al-Sunnah sont toujours le milieu, juste le milieu entre deux extrêmes. Il y a toujours des extrémistes et des laxistes. Et Al-Sunnah sont toujours les gens du milieu. Eh bien, vous avez d'un côté le Murji'a, et vous avez de l'autre côté qui? Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Écoutez ce qu'il dit le Cheikh ici. Et en opposition au Khawarij et au Mu'tazila qui dénient à ceux qui commettent des péchés le nom de foi et d'islam. Car pour eux, la foi et l'islam sont une seule chose. On avait déjà parlé de ça aussi. Donc, pour eux, s'ils sortent de la foi, ils sortent de l'islam. Mais les Khawarij disent qu'ils sont mécréants, et les Mu'tazila disent qu'ils ne sont ni musulmans, ni mécréants, et les mettent à un niveau entre ces deux niveaux. Vam Majmou al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 7, page 242. On arrive presque, encore quelques minutes, on arrive à la fin du cours. والدليل على أن نفي الإيمان عن أهل المعاصي والذنوب لا يستلزم خروجهم من الدين بالكلية إنما يخرج من الإيمان إلى الإسلام. Là, on va expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال ابن تيمية رحمه الله تعليقا على الآية الكريمة فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة. Dans أصول السنة on a défini c'est qui أهل القبلة. Monsieur Aoubid il a bien expliqué. الذين لا يخلدون في النار بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان. ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. يقضي الكلام العلماء كما إلى بخسي، لأنه سبحانه قال في سياقها، يقضي الحفظ القرآن كما إلى دوسي لفخخ، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فدل على أنهم إن أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع هذا الإسلام آجرهم على الطاعة، والمنافق عمله حابط في الآخرة. وأيضا لأنه سبحانه لم يصف المذكورين في الآية بصفات المنافقين. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Et la preuve que la négation de la foi de ceux qui commettent des péchés et des désobéissances n'implique pas qu'ils sortent complètement de la religion, mais qu'ils sortent de la foi, de l'iman, vers l'islam. Alors, ça peut paraître un peu confus pour certains, l'explication elle est là. Et la parole d'Allah dans la traduction du sens est, les bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. Aslamna. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Hujurat, verset 14. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit en commentant ce noble verset, la mise en évidence indique que la foi qui est niée quant à ces bédouins-là, c'est la foi qui est niée aux pervers parmi les gens de la Qibla, qui ne seront pas éternellement en enfer. Mais de plus, il se peut que l'un d'entre eux ait le poids d'un atome de foi, et la négation de cette foi n'implique pas l'affirmation de la mécréance, dont celui qui la possède est éternellement en enfer. Encore une fois, les gens de la Sunna, ils font la différence entre le fait de nier complètement la foi et de nier la complétion de la foi. Ou si vous voulez, la foi complète. Et il dit, regardez la preuve qu'il cite dans les mêmes versets qu'on a cités, car Allah le Très-Haut a dit dans ce qui suit, ce dont la traduction du sens est, et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceci indique que s'ils obéissent à Allah et à son messager avec cet islam, il les récompensera pour leur obéissance, alors que l'hypocrite, son action est annulée dans l'au-delà. Regardez le fahm des ulama. Et aussi car il n'a pas décrit ceux qui sont cités par des attributs des hypocrites. Voir Majm al-Fatawa, volume 7, page 242. Et donc, en étant précis, Cheikh il dit, وَبِتَحَقُّ هَذَا الْمَقَامِ يَزُولُ الْإِشْتِبَاهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَيُعْلَمْ أَنَّ فِي الْمُسْلِمِينَ قِسْمًا لَيْسَ. Et là, ça va bien illustrer encore pour ceux qui ne comprennent pas encore entre l'islam et l'iman. قِسْمًا لَيْسَ هُوَ مُنَافِقًا مَحْضًا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سورة الأنفال. فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا. ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب بل لهم طاعات ومعاص وحسنات وسيئات ومعهم من الإيمان ما لا يخلد معه في النار. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan il explique. Quand vous avez le hadith Jibril par exemple, vous avez sûrement entendu ce parole. Il a dit, كل محسن مؤمن مسلم. وليس كل مؤمن محسن. Et maintenant sur le muslim et le mu'min, qu'est-ce que tu dis? كل مؤمن مسلم. Est-ce que كل مسلم مؤمن? Pourquoi? Mais il a quand même de la foi qui lui authentifie son islam. Écoutez ici. وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي وهذا ما تنازع الناس في اسمه وحكمه الخلافي أول خلاف ظهر فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. صبروا معنا شوية أخوة. Cheikh il dit, et donc en étant précis sur ce point, l'ambiguïté se dissipe ici. Et on sait que parmi les musulmans, il y a une catégorie qui ne sont pas des hypocrites purs, qui sont en plus bas fond du feu, et ne font pas partie des croyants au sujet desquels il a été dit, dans la traduction du sens est, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leur bien et leur personne dans le chemin d'Allah, ceux-là sont les véridiques. Sourate Al-Hujurat, verset 15. Ni de ceux au sujet desquels il a été dit, ceux dont la traduction du sens est, ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Sourate Al-Anfal, verset 4. Écoutez, là, maintenant, ça va bien clarifier ce que l'on est en train de dire ici. Ils ne sont donc ni des hypocrites, ni parmi ceux-là, les véridiques, les croyants en toute vérité, ni de ceux qui entrent au paradis sans châtiment, mais ils ont des obéissances et des désobéissances. Ils ont des péchés et des bonnes actions. Et ils ont en foi ce qui fera qu'ils ne seront pas éternellement en enfer. Et ils ont des grands péchés à cause desquels ils encourent l'entrée en enfer. Et cette catégorie, certains peuvent l'appeler, ce qu'on appelle nous le fasiq al-milli, ce que les ulama appellent fasiq al-milli, c'est-à-dire le pervers de cette communauté. Il est pervers, mais il fait toujours partie de la communauté de l'islam. Et cela fait partie des points sur lesquels les gens sont en divergence quant au nom et au jugement. Et la divergence sur ce point est la première divergence qui est apparue en islam dans des points des fondements de la religion. Fin de citation. Donc vous voyez que c'est important d'avoir le mawqif d'Al-Sunna al-Jama'a et de connaître le mawqif d'Al-Sunna al-Jama'a pour l'avoir, hein, et de connaître ce que Al-Firaq ad-Dalla ils disent par rapport à ça. Donc c'est pour ça, encore une fois, Jazallah Ani Sheikhana Mohamed Mazmoul, qu'il a fait cette explication de cette manière-là et qu'il nous a donné tous ses osoul et toutes ses règles afin qu'on puisse apprendre la position correcte des gens de la sunna du consensus. Et on va terminer par une parole de l'imam Ahmed Rahimahullah. Ahmed ibn Hanbal, j'ai cité la citation d'Ibn Taymiyyah à la source, non? Voir Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 478-479. Qala Ahmed ibn Hanbal Rahimahullah, wal-Iman, قول وعمل يزيد وينقص زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. انظر طبقات الحنابلة لي وانتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. أحمد بن حنبل il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, et la foi est parole et action, elle augmente et diminue, son augmentation est si tu fais du bien, et sa diminution si tu fais du mal, et l'homme sort de la foi vers l'islam. Et rien ne le fait sortir de l'islam, à l'exception de l'association à Allah, le Très-Haut, ou en rejetant, c'est-à-dire en reniant l'obligation, le caractère obligatoire de l'une des obligations d'Allah. Hein? Et s'il la délaisse par fainéantise ou par négligence, sans renier le fait que ce soit obligatoire, il est alors sous la volonté d'Allah. S'il veut, le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. On a connu ça, on revient encore une fois à la position de Murtakab al-Kabira, de celui qui commet un grand péché. C'est quoi la position des gens de la sunna du consensus parmi celui qui commet un grand péché et qui meurt sous ce grand péché sans s'en être repenti? Revenez en ce sunna qui est disponible sur notre site, et revenez au PDF qu'on a traduit et qu'on avait cité dans le cadre du cours d'Usul Sunnah de Cheikh Ali al-Haddadi, hafidhahullahu ta'ala wa hafidhahullahu ani jami' al-mashayikhina al-ahya minhum wa raham al-amwata minhum wa jazakumullahu khairan wa allahu a'lam wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.